temps s'ils dorment à tort, se remémorent leur macabre temps s'ils rêvent encore, et silencieusement préparent leur retour, ils rêvent de mort, d'abattre en secret la paix et l'amour. Dorment encore, le ciel contemple le temps qui avance, ils dorment à tort, se remémorent leur macabre temps s'ils rêvent encore, et silencieusement préparent leur retour, ils rêvent de mort, d'abattre en secret la paix et l'amour. Et chaque âme, ici c'est la mort de ce maigre à plage. Et chaque âme, ici c'est la mort de ce maigre à plage.